Mon esprit n'est pas confiné, mais libre de prier, d'adorer, de chanter. Libéré de la peur et sans plus s'inquiéter de quoi demain sera fait. De quoi demain sera fait. Mon cœur est dans la paix, mon avenir assuré, car ma destinée, ma vie sont entre ses mains. Cachée là sous ses ailes, non je ne crains plus rien. Je suis libre en Jésus. Le jour de son retour, relevons la tête et ne craignons plus rien. Nous voyons s'accomplir toutes les prophéties. Que nos lampes soient allumées, il revient. Que nos lampes soit allumé, il revient. Non, mon esprit n'est pas confiné, mais libre de prier, d'adorer, de chanter, de s'élever au-dessus de toutes circonstances. En Jésus, j'ai vaincu, vraiment je ne crains plus, non, non. En Jésus, j'ai vaincu, vraiment, je ne crains plus. En Jésus, j'ai vaincu. Vraiment, je ne crains plus.